quem celestes laudat cori concordile titia. Aste celum unciat mur, terra celo feneratur, angelis ecclesia. Verbum carni virgo parit eitem cum et exempla et exempum fertonam et secula. Res est nova res in civilis, quod in rumorum et iis, nec rubum atamina. Cerirorant ud est frunt, montes tillant quam est frunt, radicies et genia. De radice flos ascendit, quem profete preostendit, evidens oraculum. Radicies regem David, virga matre signavit, virgine flos patrum. Mira floris pulcritulo, quem commenda plenituro, serpeti formis gratia. Tardis facendet et caudia. Flos et fructus virginalis, cuius odores vitalis, divi lauset gloria. Orientis partibus, adventavit asinus, pulcher et fortissimus, sarsinis aptissimus, et sirane est. Aurum de Arabia, tus et miram de Saba, tulit in ecclesia, virtus asinaria, et sirane est. Amem dic assassine, iam satur de gramine, amen, amen itera, aspernare vetera, et sirane est. Christo psalat ecclesia, mitis misericordia, redempta Sion filia, et laudem regi gloriae. Mitis misericordia, mortem destruxit odie. Rex mani nominis, veste sub altera vim celans numinis, dicta vit vedera Dei et omnes. patris integritas. Post puer perium. Soloritur incidere. Rori compar in intacto semper latere, virginis et puerpere. Rodit pro pax in nomine Domini, fet marca bris los motes el son. O iatque di, cum nosa fe per sadusor, los senioris celesti probet de nos un lavador, cas fors ut ramar non font aus, en delaide vesiosa has, ed ac est de saivos conos. Del primier an homme felio, atant assi, quis ad Dieu nu porta anno, veirem qu'il era amic coras, cab la virtut del lava scarsos atras, quem navir creson eansat. Iman perdu, laen vet, brava in us reclama. Tu cior me fai semblant irate mor in savor mi deliem sojorn idiris als nos ran cura mis clama. Reis glorios verae lim seclartas, Deus poderos senior sia vos plats, almei compagni sia fises aida, che un non la vipos la noit von venida, et ad essera Reis glorios verae lim seclartas, Deus poderos senior sia vos plats, almei compagne sia fises aida, che non la vi pos la noit spon ven guida, et ad essera l'alba. Reis glorios verae lim seclartat, Deus poderos senior sia vos plats, almei compagni sia fises aida, che non la vi noite von ven gira, et ad essera l'alba. Calenda maia, ni questa faia, ni chans to tell, ni florsta glaia, non esce in plaia pros domna guaia, pro cunis nel messageraia, del vostre bel cor schemre traia, placer novel camors matraia, e jaia in praia, na vos domna veraia, e chaia de plaia gelus ans cimnes traia. Geminus pina dira sa raison, adretement se faire fraîche voir. Et la grange olive des oiseaux remenoirs, l'or c'est de chanter et voloir, grenure que je ne salueille, car cela qui je me trouille, Bella lits par ma seva, vos nali mieux si comme je fats, bio se vesti et mieux se para, bonjour et celle que nos nomets, souvent mi fait elle soupirer, vos nali mieux si comme je fats. Nevos, nevos, ni savet sali. Nevos, nevos, ni savet sali. C'est la fin, quoi que n'eusse-t-il jamais. C'est la joue en mise les prés. C'est la fin, je veux la mer, tu sais pas si à l'évêque de la mienne. C'est la fin, quoique n'eusse-t-il jamais. Et dame jolie, mon cœur sent. Posséir met en votre belle, que ne sait vos pères, souvent me voit complaignant, et en mon cœur dolosant d'une maladie, dont douze limous en amant doit avouer. Cœur joyant, quittez mal maestrie, si formant ma grille, l'idouze mal d'amer que par sa signorie me convient chanter, et dame jolie, mon per sans pousser mettant votre belle que ne sait vos pays. Sa femme m'est